Après les vacances. Dès leur retour, Faustine reprend les séances chez les alcooliques anonymes. Elle retrouve son groupe de prédilection avec plaisir. Ayant négligé de réclamer sa médaille des 3 mois de sobriété en temps utile, Faustine reçoit les 2, 3 et 6 mois en même temps, sous les applaudissements de l'assemblée. Le groupe qu'elle fréquente dans l'arrière-salle d'un restaurant du centre de Lausanne est mené par une certaine Scarlett. Femme au tempérament excessif, haute en couleur, tant dans son maquillage que dans sa vêture, mais néanmoins pauvre petite fille blessée et vulnérable. Depuis qu'elle a arrêté de boire, Scarlett souffre d'insomnie. Pour s'en sortir, elle a décidé d'écrire un livre. À chaque séance, elle en parle, et c'est, pour tous les autres, un très beau partage d'expérience. Au bureau, Faustine retrouve Zézé avec plaisir. Pendant ses vacances, il a fait quelques rencontres intéressantes et rempli son carnet de commandes. Faustine a de quoi s'occuper pour quelque temps. En plus des travaux concernant le secteur immobilier, la holding prétend aider les entrepreneurs à développer leurs projets. On met en place un dossier, un budget, une demande de crédit. Tout est bon pour diversifier les activités. Malheureusement, avec la guerre du Golfe, en Corée, les banquiers sont devenus frileux. L'heure est plus à la vente d'armes qu'à celle d'appartements ou de produits, fussent-ils haut de gamme. Les affaires, pourtant montées avec soin, capotent les unes après les autres. Zézé a plus de chance avec ses projets immobiliers. Fuite de capitaux, blanchiment, investissement de survie, les clients se bousculent, dessous de table à l'appui. Un jour, Zézé, coincé dans une réunion à l'heure du déjeuner, demande à Faustine d'aller porter une grosse enveloppe à la banque. C'est quand même bizarre de confier tout cet argent liquide à une secrétaire, non? Et si je me faisais attaquer? On tue pour moins que ça de nos jours. Faustine en veut à son cher patron de risquer sa vie à elle avec autant de nonchalance. Mais en même temps, elle trouve assez jubilatoire de jouer les James Bond Girls et de traverser la ville avec un tel pactole au nez et à la barbe de tous les gredins du coin. Un soir, elle va partir quand le téléphone sonne. « Salut, c'est Claude, tu vas bien ?» Ça alors, pour une surprise. « Je passe par Lausanne dans 3 jours, on peut se voir ?»« Pourquoi pas ?» Faustine est ravie à l'idée de revoir son ancien directeur. Elle espère qu'il lui apportera des nouvelles fraîches de la Prana. La dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était à l'occasion d'une visite aux représentants de la société de Vichy en Bavière et en Autriche. Ils avaient participé à l'Oktoberfest de Munich, testé la bière au citron, dévoré de la vraie choucroute et subi les flonflons de l'accordéon. J'brun zim boum. Ils avaient en passant visité Salzbourg, la ville qui a vu naître Mozart. Après une dure journée de travail, ponctué de nombreuses pauses, il s'était farci l'interminable montée au château, vite oublié 2 heures plus tard devant une succulente sacher torte dégustée dans la vieille ville. En milieu de semaine, Claude avait décidé de prendre une journée de congé et emmener sa secrétaire skier à Garmisch-Partenkirchen. Grossière erreur. La pauvre Faustine n'avait pas osé lui déplaire, mais n'avait pas appris à skier mieux pour autant. Comment se sortir de ce pétrin? Sitôt son patron hors de vue, la jeune femme s'était laissée tomber dans la neige à quelques mètres du tire-fesse. Elle n'avait pas eu longtemps à attendre. 2 magnifiques spécimens mâles s'étaient détournés de leur chemin pour voler à son secours. Elle a ramené en lieu sûr. La tête qu'ils avaient faite lorsque Faustine, soudain en pleine forme, leur avait donné à chacun un bonbon pour les remercier de leur peine. Cette fois, Claude revient d'une tournée en Italie. Faustine lui a retenu une chambre dans un hôtel du bord du lac et réservé une table dans un joli petit bistrot pour leur soirée. L'haleine de son ex-patron est toujours aussi pestilentielle, mais il est très heureux de la retrouver en pleine possession de ses facultés. Elle l'avait beaucoup inquiété les derniers temps à Paris. Cher Claude, si heureux de lui signaler les dommages qu'il leur a fallu réparer après son départ. Tiens, mets ça dans ta pipe et fume-le. Faustine encaisse, magnanime. lui raconte son parcours, son boulot, les AA et les vacances avec sa mère. Elle est reconnaissante qu'il n'essaye pas de la faire boire. Peu à peu, la conversation glisse sur la question de savoir si oui ou non Faustine acceptera de passer la nuit avec lui. Il le lui avait déjà demandé à plusieurs reprises à Paris, mais elle avait la bonne excuse d'être mariée. Désormais, la voilà libre. Déjà, Claude s'imagine avec pied à terre et maîtresse en Suisse. Un petit ballon d'oxygène bien pratique. Tu ne peux pas m'en vouloir d'essayer. Terriblement mal à l'aise, au bord de l'écœurement, la jeune femme hésite à le planter là, maintenant, tout de suite, bien qu'elle insiste pour qu'au moins elle le raccompagne à son hôtel. Un souvenir du bon vieux temps. Faustine s'exécute de mauvaise grâce. Sitôt qu'il est rendu efféminé de l'embrasser, elle s'enfuit en courant. Elle ne se trouve pas très courageuse. Brel aurait chanté « Je trouve madame mauvaise copine ». Mais elle n'a pas fait tout ce travail sur elle pour retomber dans les sempiternels mêmes pièges. Elle ne répondra plus jamais à ses appels téléphoniques. Le lendemain samedi, mère et fille font la grasse matinée, puis quelques courses en centre-ville. Devant son café, Fifi raconte ses récentes aventures à sa chère maman qui s'en amuse beaucoup. Elle-même confie ses propres stratégies d'antan pour se tirer de ce genre de mauvais pas. Si un homme la collait de trop près, elle s'arrêtait près d'une vitrine, se composait un faciès de crétine ou d'handicapé mental et se retournait très lentement en poussant des petits grognements. Effet répulsif garanti. Trop drôle. Moi, j'oserais jamais. Mais est-ce que ça va être ainsi toute ma vie, cette impression d'être un bout de bidoche sur un étal? Une proie permanente? C'est l'ennui quand on est jeune et belle, ma fille. Mais rassure-toi, un jour ça s'arrêtera et tu deviendras totalement transparente. Certaines femmes ne s'en remettent jamais. D'autres passent à autre chose sans difficulté. La vie, ce n'est pas que le cul. Vivement que ce temps-là arrive. Tout ce que je souhaite, c'est d'avoir la paix. L'après-midi, Faustine monte au centre de Lausanne où elle s'est trouvée une séance ouverte des alcooliques anonymes avec un témoignage. Elle aime bien cette salle. Au mur trônent des panneaux qui font réfléchir. L'important d'abord, 24 heures à la fois, vivre et laisser vivre surtout. Ces quelques phrases toutes simples intégrées au bon moment ont permis à des millions d'alcooliques de sortir de leur enfer. Aujourd'hui, en séance ouverte, nous écoutons le témoignage d'une amie. Un parcours de vie avec ses petits et ses grands drames, mais aussi ses conquêtes et ses victoires. La personne qui témoigne possède un humour extraordinaire. C'est une bonne chose que Faustine a apprise en AA, savoir prendre du recul et se moquer de soi. Se souvenir que l'alcoolisme est une maladie et cesser de culpabiliser. Pour s'intégrer à un groupe, il suffit de vouloir arrêter de boire et de comprendre qu'on n'y arrive pas tout seul. Au revoir le déni, bonjour l'humilité. Et si on rechute, on trouve le courage de revenir et on recommence. Beaucoup de membres se sont choisis un parrain ou une marraine. Faustine n'a pas encore franchi le pas. Elle n'a pas non plus proposé ses services pour choisir le prochain thème d'une séance fermée, réservée aux seuls alcooliques. Et encore moins pour endosser le rôle de modératrice. Elle n'a même pas osé se proposer pour faire le café ou tenir l'accueil. Il faut dire que chaque fois qu'elle part en séance, maman lui demande de faire au plus vite, afin qu'elles aient quand même un bout de soirée ensemble. Il ne s'agirait pas de louper le début du film quand même. Lors d'une fouille de routine, Faustine a trouvé dans le bureau de Zézé une feuille relatant une conversation téléphonique entre son patron actuel et son patron précédent, Jacques. À la lecture de tant de superlatifs cumulés, Faustine comprend mieux pourquoi Zézé l'a engagé alors que tant d'autres étaient en lice. Jacques est un type formidable. D'ailleurs, il lui arrive, et c'est bien le seul de toutes ses relations parisiennes, de prendre de temps à autre de ses nouvelles. Il partage à cette occasion ses petits soucis personnels afin qu'elle-même puisse à son tour l'encourager. Des patrons comme lui, on n'en rencontre pas souvent. Pascal, son collègue de chez Tektronix, avec qui elle avait gardé des contacts relativement espacés, s'annonce en Suisse à son tour. Il aimerait une chambre abordable, si possible, chez Faustine. La voilà bien embêtée. Maman n'a plus une place de libre au centre et ce n'est pas dans son lit étroit qu'elle pourra loger un pote avec lequel elle n'a jamais partagé aucune intimité. Elle lui trouve quelque chose dans un hôtel du boulevard. Dès sa descente du train, le pauvre garçon la hérisse. Il vient de passer 3 jours à Gstaad, dans le chalet d'une amie multimillionnaire. Il ne cesse de vanter le luxe de l'endroit, les qualités de son hôtesse et les généreux bienfaits dont elle l'a comblé. Faustine fait figure de parent pauvre. Le premier soir, elle reçoit son amie à la maison, où maman s'est mise en quatre pour préparer un bon repas. C'est tout juste s'il ne fait pas la grimace. Le lendemain, rebelote, il trouve à redire sur tout. Le bruit, l'hôtel, le petit déjeuner. Faustine ne sait plus quoi en faire. Le temps est horrible, pluvieux, froid. En désespoir de cause, elle décide d'amener le jeune homme dans un bon restaurant au bord du lac. La veille, elle a payé l'hôtel et la soirée au café 1900. C'est maintenant son tour à lui d'ouvrir son porte-monnaie. Mais le jeune homme n'y semble pas décidé. Il se goinfre tant et plus, puis disparaît au WC au moment de l'addition. Alors Faustine, laissant la dite note sur la table, enfile son manteau et se tire à l'anglaise. Elle n'entendra plus jamais parler de lui. Est-ce que tout Paris va défiler à Lausanne dans l'espoir de la baiser, maintenant qu'il est libre? Le lendemain, Faustine emmène maman au cinéma. On y passe le cercle des poètes disparus et Tati Daniel. Elles choisissent la seconde. L'histoire de cette vieille dame indignée et exécrable amuse beaucoup le duo mère-fille. « Quand je serai vieille, je serai insupportable !» chante Faustine à la sortie en paraphrasant Brel. Si c'est le seul moyen pour qu'on lui fiche la paix, elle n'hésitera pas.